Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Vous avez compris que s'intéresser aux religieux, c'est plonger dans tous les problèmes qui sont ceux des relations hommes-femmes sous l'Ancien Régime et au-delà. Alors, comme je suis une fervente assidue du séminaire organisé par Martine depuis 2 ans sur les femmes et le travail, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réfléchir à d'abord ce que c'était que le travail et d'autre part ce que ça pouvait être le travail dans les ordres religieux féminins et notamment chez celles qu'on ne voit jamais travailler en principe, à savoir les contemplatives. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui je vais essentiellement parler du Carmel parce que ça me paraît être l'ordre le moins connu de ce point de vue-là et le plus sévère et le plus clôturé. Je tiens à préciser que je vais vous présenter un certain nombre de remarques, d'hypothèses. Donc c'est plus une intervention qu'une véritable communication. C'est un travail, c'est le cas de le dire, en cours sur le travail des contemplatives. Même si Martine a eu la gentillesse de le rappeler, c'est dans la lignée de toute une série d'enquêtes que j'ai menées sur l'apprentissage, le veuvage féminin, les travaux d'aiguille, la clôture et plus récemment les filles de la sagesse à Poitiers, ainsi qu'une série d'interviews tout à fait récentes que j'ai dû mener auprès des filles de Sainte-Croix à Poitiers. Mais moi je vais m'axer aujourd'hui essentiellement sur le Carmel et le Carmel sous l'Ancien Régime, y compris jusqu'à la Révolution. Alors, la raison qui me fait oser prendre la parole, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le séminaire qu'organise Martine est absolument passionnant sur le travail, mais que je me suis rendu compte que personne ne prenait la peine de définir le mot « travail ». Or, je pense que c'est une notion dont l'historicité ne doit pas être méconnue. Alors, le cas des religieuses, c'est... puisqu'il y a des définitions très claires dans les règles, dans les constitutions, dans les biographies spirituelles. Donc vous avez déjà entendu l'essentiel des sources que je vais mobiliser. Dans ces sources, il y a des définitions très précises du travail qui sont peut-être bonnes à comparer avec ce que nous entendons aujourd'hui par travail, qui est un travail salarié, un travail qui doit rapporter plus si on travaille plus, mais qui est un travail aussi qui est synonyme de souffrance pour la plupart de nos contemporains et contemporaines. Je précise aussi qu'aujourd'hui, le travail intellectuel, celui qui me fait parler aujourd'hui, est considéré comme un travail. Et dire tout ça, c'est dire que je vous emmène dans un monde extrêmement exotique, qui est celui de l'Ancien Régime, où le travail est abject, infamant, premier point, pour la plupart des femmes justement qui sont enfermées ou qui s'enferment en clôture, que d'autre part, le travail intellectuel n'est pas reconnu comme un travail en tant que tel, et quand on parle de travail des femmes, on pense immédiatement deux choses, la salle de travail, c'est-à-dire l'accouchement, c'est ça l'essentiel du travail des femmes, et d'autre part le travail des mains, c'est-à-dire les travaux d'aiguille. Donc, dire tout ça en vrac et en désordre, c'est convoquer des personnages un peu bizarres hein, par rapport à nos pratiques actuelles du travail. Alors, là, rien qu'un examen superficiel des images colorées que je vous ai offertes sous forme de photocopie, nous montre qu'on va ailleurs. On va ailleurs, on va admirer des travaux de religieuses absolument extraordinaires. Vous avez un Dieu le Père, qui est une fabrication des Ursulines québécoises et d'une Marie de l'Incarnation qui n'est pas de celle dont je vais vous parler aujourd'hui, mais le Carmel a produit dans toutes les terres francophones et anglophones, de ces peintures à l'aiguille, c'est la taille réelle hein, du centre d'un antépendium, et si vous regardez d'un peu près, c'est du passé en piété, et c'est une pure splendeur, un travail d'experte et de technicienne, qui a permis aux Québécoises ursulines de survivre en fabriquant des vêtements liturgiques pour toute la Nouvelle-France, qui a permis aussi à un certain nombre de religieuses de s'exprimer, puisque un certain nombre de ces pièces sont attribuées à des femmes. Donc, on est dans un monde bizarre où on entre en religion pour s'effacer, s'oublier, et en même temps, on a des œuvres de femmes qui sont non pas signées, mais qui sont connues comme appartenir, avoir été la fabrication de Sainte Marie de l'Incarnation ou de Anne le Mère des Anges, etc. Des anges, etc., etc. La deuxième pièce que vous voyez là, c'est aussi un antependium sur soie rouge, broderie blanche avec des perles blanches d'une autre Marie de l'Incarnation, celle qui a introduit le Carmel en France au tout début du XVIIe siècle, et c'est d'elle dont je vais surtout parler aujourd'hui. Autre splendeur, autre type de travail, sur un matériau extrêmement précieux, ça ne se voit pas bien, il s'agit de soie et il s'agit de perles, qui sont des perles d'eau douce, mais qui sont quand même des choses précieuses. Et puis le monde où ça se fabrique, ce genre de choses, ben c'est la petite cellule que vous voyez en bas, un autre travail de religieuse, cette fois-ci de la fin du XIXe siècle, puisque ces boîtes de religieuses où un certain nombre d'ordres contemplatifs et notamment de carmélites se mettaient en scène pour faire des cadeaux à leurs proches ou pour les vendre, les vendre et se vendre. Alors, cette scène est intéressante. Vous avez une carmélite qui est en train de faire fabriquer un écheveau de laine dans sa petite cellule. Et tout le monde a remarqué la présence d'un certain nombre d'images pieuses. Mais tout le monde surtout a vu sur le côté gauche un instrument de pénitence, c'est-à-dire un fouet pour s'auto-flageller. Donc, le travail va être à la fois, dans ce monde-là, souffrance voulue, consenti, recherché et en même temps peut-être possibilité d'une expression de soi. Donc il me semble qu'il faut travailler, c'est le cas de le dire, cette notion de travail, se recourir aux dictionnaires anciens, je pense à Furtière, et bien avoir en tête qu'on entre dans des sociétés qui peuvent... C'est pas le cas de la France d'Ancien Régime, mais il faut jamais oublier qu'il y a une bonne partie du monde où le mot travail n'existe pas. Hein, chez les Dogons, allez voir, belle exposition, apprends-lis, le mot travail n'existe pas. Mais même dans la France d'Ancien Régime et dans le Poitou des Bachelleries, la distinction travail intellectuel, travail manuel n'est pas pertinente, mais je dirais aussi que la distinction entre temps dit de loisir et temps de travail effectif n'existe pas. C'est aussi le cas chez les religieuses. Je rappelle que je vous fais pénétrer dans une société explicitement inégalitaire où, comme je le disais, le travail est un fanement et où le travail est aussi une punition infligée par Dieu le Père. Et je vous invite les unes et les autres à relire non seulement la Genèse, mais aussi à relire saint Paul et en particulier la deuxième épître aux Thessaloniciens. Donc on entre dans un monde où le travail est la conséquence de la chute et donc de la faute d'Adam et Ève. Alors, le cas que je vais examiner, je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement les Carmels d'Ancien Régime et de l'époque révolutionnaire. Un ordre qui est très ancien. Les premiers ermites carmes, 3e, 4e siècle, un ordre qui a d'abord été masculin, puis qui a eu un équivalent féminin, qui a reçu sa règle dès le 13e siècle, une règle qui est commune aux hommes et aux femmes. Vous en avez un passage sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est les pages 12 et 13 du deuxième feuillet, mais une règle qui a été réformée par Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, à la fin du XVIe siècle, qui à ce moment-là, en 1581, a été enrichie ou complétée par ce qu'on appelle des constitutions. Alors, vous avez un passage des constitutions définies par Thérèse d'Avila au recto de la deuxième page que je vous ai donnée, donc c'est les pages 48-49. Alors, Je vous fais entrer, je ne sais pas si vous êtes familier, familière du vocabulaire que j'emploie, vous m'arrêtez. La règle définit hein, des façons de vivre sa foi en clôture, et les constitutions donnent les moyens d'appliquer cette règle. Et ces constitutions sont fréquemment modifiées, enrichies par un certain nombre de fondateurs, fonditrices, mais aussi de visiteurs ou de supérieurs. C'est la raison pour laquelle vous avez dernier, recto du dernier feuillet, c'est ce que j'appelle page 243-204, les avis et exhortations d'un des visiteurs du Carmel en 1675, l'abbé Chanu, qui complétera votre information, l'information que vous aurez tirée, 1, de la règle, 2, constitutions. Alors, ce monde où je vous fais entrer est marqué, comme le disait Martine, par d'une part la clôture et d'autre part par une activité principale, alors je ne devrais même pas dire principale, unique, hein, qui perfuse, qui infuse toutes les autres, c'est l'oraison, c'est-à-dire la prière. Alors, il faut distinguer les contemplatives de celles qu'on appelle les apostoliques ou les actives, hospitalières ou enseignantes, qui, elles, sortent de la clôture et ont des tâches et des travaux qui, au moins vu de loin, s'apparentent plus à ce que nous appelons du travail, puisqu'elles sont au service des malades, des pauvres ou font des petites écoles. Dernière chose à dire, peut-être en introduction, ces ordres contemplatifs sous l'Ancien Régime ont un recrutement qui se fait principalement au sein des classes privilégiées, la noblesse et la haute bourgeoisie, des classes sociales au sein desquelles le travail des mains, le travail manuel, est évidemment marque d'abjection sociale, mais où du même coup, quand on choisit de le performer, j'emploie exprès cette expression en franglais, mais je y reviendrai peut-être tout à l'heure, où cette performance que représente le travail est nécessairement conçue comme, un, une nécessité, et deux, une souffrance absolument nécessaire et non pas un moyen de s'accomplir ou de survivre. Même si le problème dans les Carmels d'Ancien Régime est un problème économique crucial, celui de la survie, va faire que cette théorie telle qu'elle est définie dans la règle et les constitutions, comme quoi le travail ne doit pas être sérieux, le travail ne doit pas être continu, le travail ne doit pas rapporter d'argent, va être complètement réformé, bougé, par le fait même que pour que les Carmels survivent, on a besoin non seulement de dots, de rentes, de terres, mais du travail des religieuses. Dernier point, enfin, pour essayer de définir un peu ce monde un peu étrange, c'est un monde qui est marqué par un égalitarisme, au moins de façade, extrêmement rigoureux, puisque lorsqu'on rentre au Carmel notamment, on choisit dame pauvreté, et donc parmi les vœux d'obéissance et de chasteté, il faut toujours ajouter celui de pauvreté. Et en principe, toutes les religieuses, aussi bien la fille de duc que la fille d'un petit bourgeois de Poitiers, est sur un même pied d'égalité. Alors, les choses sont toujours beaucoup plus compliquées, donc toujours théorie et pratique, même si j'aime pas trop, enfin, c'est pas une distinction toujours pertinente, mais on doit avoir en tête que dans les Carmels d'Ancien Régime, et en fait dans la plupart des ordres contemplatifs jusqu'à Vatican II, coexistaient des sœurs converses et laies, ou laies, la L-A-I-E, subalternes par rapport aux sœurs de cœur, les choristes, et ces sœurs converses avaient comme principale fonction de faire toutes les tâches les plus basses, et on apprendra que le balayage et la cuisine font partie de ces tâches les plus basses. Lors même que toutes les grandes dames qui entrent au Carmel s'engagent à faire toutes ces activités-là. Alors, on a entré aussi dans nos esprits quelque chose qui est un problème propre peut-être aux modernistes, c'est qu'on va donc devoir conjuguer un égalitarisme religieux de façade avec le maintien de hiérarchies sociales qui elles-mêmes vont avoir à jouer avec des hiérarchies de genre. On est dans un monde où une grande dame est au-dessus d'un artisan, hein, même si on sait que c'est une société où la subordination de sexe est extrêmement forte. Donc, je pourrais presque m'arrêter là. Vous avez compris que j'ai à résoudre, lorsque je traite de ces religieuses, de toute une série de problèmes qui sont extrêmement complexes, mais qu'on trouve dans d'autres milieux si on les considère d'un peu près. Vous avez toutes et tous compris que mon hypothèse de travail aujourd'hui, c'est qu'il me semble que le couvent d'Ancien Régime est une sorte de laboratoire de toutes ces transformations sociales, et aussi bien en ce qui concerne la perception, les représentations du travail, que les hiérarchies de sexe ou les hiérarchies sociales. Le couvent est d'autant plus intéressant que c'est une entreprise qui fonctionne comme une famille, on parle de communauté, mais elle est dirigée par une mère, la supérieure, on dira la prieure au Carmel, qui a sous sa dépendance à la fois économique, affective et autre, et un certain nombre de sœurs, mais de filles. Donc vous voyez que là aussi, il y a à faire jouer des termes d'adresse dont la complexité semble-t-il, n'a jamais vraiment intéressé les anthropologues. Nous sommes toutes sœurs et en même temps, il y a une mère et il y a des filles. Et parmi ces filles, il y a des sous-filles, si je puis dire, et des super-filles. Hein, celles qui vont au cœur, celles de Suzanne, et celles qui n'y vont, qui n'ont pas le droit ou qui ne peuvent pas y chanter. Dernier point, mes sources, vous les avez entendues, ce sont essentiellement de la littérature normative, les règles, les constitutions et les directoires qui complètent et nuancent celles-ci. Mais c'est aussi, deuxième grand volet, de la littérature qui est à la fois normative et qui nous fait peut-être plus entrer dans le détail et dans le concret des vies de ces religieuses, ce sont les biographies spirituelles et les autobiographies de religieuses et qui nous permettent de saisir ce que ça signifie effectivement que de balayer ou que de cuisiner quand on est Geneviève de Soyecourt ou Madame de Noailles. Alors, il est évident que ces sources devraient être complétées de façon plus systématique. Si j'ai une seconde vie, c'est ce que je ferai, les archives comptables des communautés religieuses. Et le hasard ou le bonheur ou le malheur a fait que j'étais amenée à interviewer un certain nombre de religieuses contemporaines ces derniers mois et années. Et ce qui va peut-être, à l'occasion au moins de la discussion, de vous dire un petit peu où on en est dans les Carmels ou dans les ordres contemplatifs contemporains. Alors, deux volets rapidement vont être envisagés. D'une part, la réglementation du travail au Carmel et deuxièmement, produire et reproduire et se reproduire au Carmel, puisque en principe, nous sommes ici pour réfléchir sur le problème des transmissions. Alors, le travail au Carmel, c'est un élément indispensable, bien que subalterne, vous l'avez déjà tous et toutes compris, de la vie de carmélitaine. Alors, je vous renvoyais tout à l'heure à la petite image du bois, du bas, où on voit une de ces boîtes, de ces représentations en trois dimensions d'une cellule carmélitaine. Alors, c'est un travail de couvent, disais-je tout à l'heure, vous mettez ça entre guillemets puisque c'est une catégorie de production des couvents anciens aux côtés des broderies, aux côtés des fleurs artificielles et autres objets. Vous notez que les matériaux de cette boîte sont pauvres, hein, et que l'idée c'est de faire pénétrer les amis de cette carmélite dans son univers mental, moral, physique. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a la discipline hein, qui est accrochée sur le mur du côté. Donc c'est ça l'essentiel qui doit être retenu de cette petite boîte-là. Alors, une fille de Sainte-Thérèse prononce, je le disais tout à l'heure, 3 vœux qui sont des vœux définitifs, hein, qui ne sont pas à renouveler, comme c'est le cas par exemple des filles de la sagesse ou d'autres ordres enseignants, obéissance, pauvreté, chasteté. La vie qu'elle choisit, c'est une vie d'oraison, de prière et de pénitence rigoureuse. Et parmi ces actes consentis de pénitence, c'est la clôture stricte qui est une des caractéristiques du Carmel. Interdiction de sortir, interdiction d'aller au parloir pendant les temps clos du carême et de l'Avent, et rester toujours voilée au parloir, y compris devant ses parents. Donc là, il y a une séclusion, une réclusion, je ne sais pas comment le dire, dont la violence pour des esprits d'aujourd'hui ne doit pas être oubliée. Autre caractéristique, le silence, et de règle toute la journée, sauf pendant les récréations. Alors, les récréations 2 fois par jour, il y a un peu de chauffage, mais pas toujours, et on a le droit de parler, et si possible, de manier l'aiguille ou de faire quelque chose, puisque le grand problème, c'est l'oisiveté qui permet au diable de pénétrer dans les âmes, et notamment dans les âmes des hommes. Des hommes et des femmes en clôture. Et ces récréations, pour un révérend père de 1748, un autre visiteur au Carmel, c'est comme un égout nécessaire pour les misères de l'âme. Bon. Alors, vous avez bien entendu, 2 fois par jour, on se chauffe et on se retrouve un petit peu et on peut parler. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel du travail, ce dont je vais parler tout à l'heure, se fait en cellule, hein. Contrairement à ce qui se passe chez les visitandines ou les ursulines. Donc, au sein des ordres contemplatifs, quand j'ai dit que le Carmel avec le calvaire est un des plus rigoureux, c'est que même le travail ne se fait pas collectivement, sauf pendant ces récréations. Donc, la pénitence passe par tous les moments de la vie, passe aussi par le vêtement, tunique de serge, scapulaire de bure, le voile qui doit être grossier et incommode, et aux pieds toujours les alpergartes de Thérèse d'Avila, c'est-à-dire des espadrilles hein, qui fassent moins 30 ou qui fassent plus 30, c'est toujours la même chose. Donc le travail de réparation des fameuses alpergates ou alpergates est une, dans les biographies spirituelles, un des éléments récurrents. Toute bonne carmélitaine doit être présentée en train de refaire avec de la ficelle ou du rotin et un peu de toile ses espadrilles. Alors, être privé de feu partout, sauf à l'infirmerie, à la salle des récréations, je l'ai dit. Le sommeil qui est réduit sur un lit fait de 3 planches avec une paillasse et une seule couverture de laine. On jeûne 7 mois par an. Et on s'engage à une abstinence perpétuelle de viande, avec abstinence aussi de lait, de beurre et d'œufs pendant les jeûnes de l'Église, carême, les vigiles des grandes fêtes et les quatre temps. Et surtout, chose à laquelle personnellement je n'avais jamais vraiment pensé jusqu'à ce que j'interviewe un certain nombre de religieuses, supporter chaque jour la vie commune. Supporter chaque jour la vie commune. C'est-à-dire, il faut se rendre compte, à 16 ans ou 18 ans, vous entrez dans un carmel et vous y mourrez à 70, 78 ans. On vit mieux quand on est femme dans les carmels que dans le monde, parce qu'on a on n'a pas le chauffage assuré, mais on a le gîte, la nourriture et un certain nombre d'encadrements. On n'a pas les misères de l'accouchement et on n'a pas à courir pour seconder les négociations de son mari. Ceci étant, c'est quand même pas une partie de plaisir, même si c'est parfaitement consenti. Et parmi ces consentements, il y a celui de travailler pour le, alors j'allais dire bien-être, mais tout le monde rigole, hein, de la communauté, hein, en tout cas pour la survie de la communauté. Donc on va avoir des tâches d'entretien, hein. Donc, on se retrouve avec le problème du travail domestique, du travail hein, de la seconde journée de toutes les femmes, hein, et en même temps, on a un travail qui va être pour l'extérieur quand notamment son couvent est en difficulté. Alors, cette obligation, elle est inscrite dans tous les textes que l'on peut lire sur le sujet, puisqu'il s'agit d'imiter le Christ et les apôtres. Je vous renvoie à saint Paul qui dit que Christ a travaillé comme charpentier toute sa vie, et les apôtres aussi, et que, à la limite, celui qui ne travaille pas ne mérite pas d'avoir de pain. Donc, c'est très fort, cette idée-là. Alors, c'est une activité qui est bien sûr extrêmement réglée par les règles et les constitutions, et qui est très réglée dans le temps. Je vous renvoie à mon troisième feuillet. Je vous ai photocopié l'horaire tiré des constitutions de Sainte Thérèse et qui vous montre une journée de carmélite pendant l'été, pendant l'hiver et en carême. C'est un petit peu différent. Si vous regardez le travail, vous vous rendez compte que, et ça c'est un élément que personnellement je n'avais jamais véritablement pensé, 1, 2, 3, 4 fois, vous voyez, travail pendant une heure, deux heures. Donc au bout du compte, ça fait entre 4 et 6 heures de ce qu'on appelle du travail. Mais vous avez toutes et tous noté que c'est du travail qui est sans cesse interrompu, puisque vivre en religion, ça veut dire une vie qui est rythmée par les sonneries de cloches et un certain nombre d'obligations qui sont essentiellement la prière personnelle, la prière collective et les offices variés. Donc, se réaliser en faisant de belles broderies au Carmel, c'est très difficile. C'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer de passer votre fil d'or dans le chat de votre aiguille, la cloche sonne, on fait tout tomber. Et il faut partir. Mais vous êtes en train de faire du jardinage et la cloche sonne, donc vous êtes en tenue de travail, c'est vrai encore aujourd'hui. Vite, vite, il faut courir jusqu'à sa cellule, enlever sa salopette, elle porte des salopettes pour faire du jardinage, et mettre son grand habit, son voile, le manteau de cœur, courir à l'office, et une demi-heure après, rebelote et je repars. Donc, c'est difficile d'imaginer, en tout cas pour moi, ça a été très difficile d'imaginer la discontinuité permanente de ces activités. Alors, travaillant, si je puis dire aussi, sur les activités de traductrice, d'écrivaine de ces religieuses, moi qui suis très très lente pour travailler, il me faut une heure ou deux pour me mettre à taper sur mon ordinateur, avoir une idée, ben non, moi je n'écrirai jamais rien au couvent, puisque toutes les heures et demie, je suis appelée à faire autre chose. Bon, excusez-moi de ces petites anecdotes, je suis toujours un peu trop concrète, mais c'est quand même assez troublant. Alors, dernière chose, donc ça vous l'avez déjà toutes et tous compris, hein, le rôle spirituel du travail est absolument crucial, mais il doit toujours être fait, comme disent les textes, dans la sainte indifférence. Donc surtout, ne pas vous passionner pour ce que vous faites. Alors, c'est dans la règle du Carmel, vous le verrez, c'est dans les constitutions, c'est dans tous les écrits de Thérèse de l'Avila et c'est dans tous les écrits de Marie de l'Incarnation, de Louise de France et autres. Donc, c'est une astreinte pour toutes, dès le noviciat et jusqu'au plus grand âge. Alors, les quasi moribondes sont là encore en train de faire un peu de tricot ou de défaire des tricots ou de parfiler, comme on disait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire récupérer du fil pour éventuellement d'autres travaux. Et surtout quand on est une grande dame, et ça a été très très difficile à faire accepter en France dans les Carmels introduits donc au début du XVIIe siècle, accepter de faire des travaux aussi abjects, parce qu'il y en a de plus abjects que d'autres, comme filer et tricoter. La broderie est relevant, par contre, des activités aristocratiques d'un certain nombre de ces dames. Comme le disait Martine, je dois rajouter que, outre ces travaux pour l'extérieur, il y a des responsabilités tournantes et ce qu'on appelle les offices, les emplois ou les obédiences, on parle d'emploi au Carmel, puisque ce monde est hiérarchisé, il y a une prieure qui est élue généralement pour 3 ans, celle qu'on appelle mère, et qui restera une mère par-delà même ces 3 ans de priorat. Donc, je suis en train de me rendre compte que je ne sais pas comment ça fonctionne, les relations sociales au sein des couvents. Parce qu'on continue à s'adresser à une ancienne mère, lors même qu'elle est redevenue sœur, et dans certains cas, elle peut même être tourière, voire refaire des activités de sœur lait. C'est très compliqué. Alors, sous la prieure, il y a la seleurière, comme on dit au Carmel, c'est-à-dire l'économe, la dépositaire ou archiviste, la sacristine, l'infirmière, la robière, la lingère, le nombre des emplois variant selon la taille, bien sûr, du couvent. Il y a les seminières de table, et tout ce monde-là roule, puisque l'idée, c'est de ne jamais s'attacher à la tâche qui vous est confiée. Alors, il s'avère, quand on regarde d'un peu près les documents, et notamment les contemporaines, que la seleurière reste beaucoup plus longtemps que les 3 ans qui lui sont, de même que celle qui, la dépositaire, celle qui s'occupe des archives, si elle a acquis une certaine expertise, on a l'impression qu'on s'arrange pour la garder à son poste. Mais en principe, tout le monde doit y passer et tout le monde doit faire des lessives, tout le monde doit s'occuper des vêtements. Alors, deuxième volet, mais je l'ai déjà largement abordé, c'est celui de produire et reproduire. Alors, j'ai envie, pour faire une pause anecdotique, j'en ai beaucoup d'anecdotes, de vous inviter à lire le dernier paragraphe de la partie gauche de ma troisième photocopie. C'était un extrait d'une lettre de Madame de Sévigné à sa fille, et c'est une lettre, vous le voyez peut-être mal, du 15 octobre 1677. Et elle raconte toute une série d'événements mondains survenus à Paris, et notamment le fait que la fille d'Henriette et du frère du roi, mademoiselle Louise d'Orléans, a la fièvre carte. Elle en est très fâchée, ça trouble les plaisirs de son hiver, et elle est allée au Carmélite pour obtenir une potion qui lui permettrait de guérir très très vite et de pouvoir participer à toutes les festivités de la cour. Mais le problème, c'est que les médicaments des Carmélites de la rue Beaulois, future rue de Vaugirard, elle déménage peu de temps après, je ne sais pas si c'était mal dosé ou quoi, mais elle vomit beaucoup, je vous renvoie au texte, et cela fit grand bruit. La princesse n'a pas voulu dire qu'elle avait recouru à un remède de bonne femme, guillemets, mais vous savez que les ordres religieux encore aujourd'hui vivent beaucoup, non seulement de petites pâtisseries, de broderies et de remèdes de toutes sortes. Et finalement, ça se sait, et le roi se tourne vers le père de la jeune femme et dit « Ah, ce sont les carmélites. Je savais bien que c'était des friponnes, des intrigueuses, des ravaudeuses, des brodeuses, des bouquetières, mais je ne croyais pas qu'elles fussent des empoisonneuses. » La terre trembla évidemment à ce discours, les dévots s'inquiètent, mais on a tout rhapsodé, c'est-à-dire qu'on a tout remis en place. Alors, ce petit passage m'a amusé. J'espère qu'il vous amuse, parce qu'il vous montre quoi ? Qu'elles se font, selon Louis XIV lui-même, elles sont capables de faire du raccommodage, et notamment du raccommodage de dentelle. C'est ce que veut dire ravaudeuse, ce qui est une activité dans le monde qui est extrêmement bien rétribuée et qui demande une très grande expertise. Qu'elles sont des brodeuses, ça ne nous étonne pas. Mais qu'elles soient des bouquetières, ça peut vous surprendre. En réalité, ce Carmel-là est en train d'essayer de survivre en se lançant à grande échelle sur la fabrication des fleurs artificielles. C'est un autre, d'autres documents qui me l'ont appris, et donc je pense que c'est ce que veut dire les bouquetières dont se moque ici notre roi Soleil. Alors, ce petit texte, il est intéressant parce que ça veut dire que nombre d'intrigues se trament dans les Carmels, y compris dans ces parloirs si clos, si fermé en apparence, mais où on va faire des négociations de toutes sortes en faveur de l'ordre, en faveur de son monastère, mais en faveur aussi de toutes sortes de choses. Et j'aurais aimé savoir si notre marquise était une dévote et fréquentait les parloirs de Paris pour mener à bien ces diverses négociations. Alors, ce texte est intéressant aussi puisqu'il nous rappelle donc ces travaux de couvent extraordinaires que sont les broderies réalisées dans les couvents d'ancien régime. Et au départ de tous mes travaux sur les religieuses, il y a le choc dont je ne me suis pas encore remise, que j'ai vécu dans les années 80, je suis une vieille dame, lorsque j'ai visité le monastère des Ursulines de Québec, enfin au Québec, à Québec, dans lequel sont conservées toutes les broderies depuis le XVIIe siècle, fabriquées par Marie de l'Incarnation, Marie Guyard, fille de brodeur de Tours et de Soyeux de Tours, et qui a fondé ce couvent. Et depuis lors, les œuvres des pionnières, mais aussi les œuvres des petites filles qui sont encore enseignées dans cet établissement, sont conservées. Et on y trouve à la fois les vêtements liturgiques ou les ornements qu'elles ont pu réaliser, mais aussi les fils, les aiguilles et tout le petit matériel grâce auquel elles peuvent travailler. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, il y a un pan de la vie des femmes d'Ancien Régime qui m'était totalement ignoré, qui est assez peu étudié, sauf par les spécialistes du textile, dont Christine Turgeon, conservatrice de ce musée, qui mérite attention. Et encore une fois, le Dieu le Père que vous voyez là n'est pas une œuvre de Carmélite, mais une œuvre d'Ursuline, et c'est à admirer au musée des Ursulines de Québec. Ne manquez pas d'y aller si vous en avez l'occasion. Alors, servir d'âme pauvreté, les biographies spirituelles nous en donnent de multiples exemples. Et j'aurais eu envie de m'étendre, je ne le ferai pas, sur une autre Marie de l'Incarnation, Marie Barbe Avriot, dame femme de Monsieur Acari, la belle Acari, comme on l'appelait, née en 1566 et morte en 1618, dont vous avez une représentation quelque peu améliorée, bien sûr, sur la deuxième page de mon petit recueil de photocopies. Tout le monde a remarqué quelque chose de tout à fait détonnant, c'est qu'elle porte le voile blanc. Ce qui veut dire que Barbe, qui a introduit le Carmel des Chaussées en France et fait beaucoup d'autres œuvres en faveur des visitandines, des Ursulines au début du XVIIe siècle, une fois devenue veuve, très connue pour ses activités de salonnière dévote en faveur de la Ligue, très connue aussi pour ses talents de gestionnaire, puisque le mari a été emprisonné après la Ligue parce qu'il détenait toute une série de seigneuries. Cette femme-là a choisi de se faire sœur converse. Et au Carmel, les femmes du voile blanc, c'est d'une part les novices, celles qui font leur première, après le postulat, qui font leur année de probation, et celles qui restent toujours des subalternes, c'est-à-dire les sœurs converses. Alors ça n'empêchera pas notre Barbe devenue sœur Marie de l'Incarnation, je devrais dire bienheureuse aujourd'hui, puisqu'elle a été béatifiée en 1791, je n'ai pas dit qu'elle est devenue sainte, hein, mais elle est bienheureuse. Marie de l'Incarnation a été prieure du Carmel de Pontoise après être passée par le Carmel d'Amiens, et cette épouse industrieuse a eu à bâtir le Carmel de Pontoise. Alors, ce sur quoi je veux insister, c'est la polyvalence de ces femmes. Cette femme est une brodeuse, elle ne sait pas seulement faire des minuties de couvent, comme on disait dans ces textes-là, mais c'est elle qui convoque les architectes, c'est elle qui fait élever les murs de clôture du Carmel de Pontoise. Et on a, dans les archives, si on les lit assez bien, d'innombrables artistes peintres, mais artistes aussi, architectes, capables de dessiner des plans de maisons religieuses qu'elles organisent. C'est donc du même aussi une gestionnaire, il faut faire rentrer de l'argent, il faut placer les dots, il faut placer les rentes qui sont reçues, et il faut faire travailler les jardiniers, les métayers qui travaillent pour cette maison. Et en plus, il faut être directrice d'âme. Alors, c'est la fonction auxquelles on s'attend évidemment le plus facilement, mais c'est quelqu'un, Marie de l'Incarnation, qui est en échange épistolaire, mais aussi oral au parloir, avec Benoît de Canfeld, avec Bérulle, avec François de Sales, avec Jeanne de Chantal, tout le beau monde dévot de cette époque-là. Alors, ces hagiographes insistent sur deux choses, au point de vue du travail, ses talents de brodeuse. Alors, c'est intéressant de voir dans d'autres biographies de carmélites, je pense à Louise de France, une des filles de Louis XV, qui est la plus célèbre carmélite du XVIIIe siècle, et elle se plaint dans ses écrits que son père lui a jamais appris que la couture, ça pouvait être nécessaire. Et évidemment, quand on est fille de Louis XV, et alors elle s'efforce d'apprendre à coudre, mais bon, apparemment, quand elle meurt, elle ne sait toujours pas coudre correctement, alors que Barbe avait eu cet apprentissage-là au milieu d'autres. Mais ce que nous disent les biographies spirituelles, c'est surtout la description des tâches infamantes, basses, auxquelles ces femmes acceptent de se livrer. Si bien que je sais plus de choses sur la manière de faire la vaisselle au début du XVIIe siècle que sur la manière de faire la vaisselle de mon arrière-grand-mère. Parce que je sais que Marie de l'Incarnation, dans toute son immense humilité, faisait ses délices de laver des écuelles. Mais que Louise de France, Carmel, XVIIIe siècle, donc un siècle et demi après, qui n'a jamais fait la vaisselle, évidemment, avant d'entrer au Carmel, on lui dit de nettoyer les chaudrons et elle plonge les chaudrons dans l'eau. Et elle se met à frotter le cul des chaudrons et pas seulement l'intérieur du chaudron. Tout le Carmel s'esclave et toute la France parle de la capacité ménagère de Louise de France. Alors, Marie de l'Incarnation n'arrête pas de réparer ses fameuses alpargates. Elle ramasse les moindres miettes pour les donner avec grande charité aux petits poulets de la basse-cour. Elle s'efforce de ne pas perdre le moindre bout de fil, etc., etc. Donc, je vous prie de m'excuser, mais vous voyez que je passe constamment d'une élévation extraordinaire, que j'ai du mal évidemment à pénétrer parce que je ne suis pas forcément de ce monde-là, à des détails concrets dont je me régale et j'espère qu'il ne vous ennuie pas trop. Je terminerai en disant quoi ? Que les tâches des carmélites, c'est des travaux d'entretien, les plus rudes étant confiés aux converses, mais les professes sont obligés de temps à autre, passer à la cuisine et d'aider au moins à faire une partie du ménage courant. Chacune sert à tour de rôle réfectoire, chacune balaie les escaliers et les salles communes, chacune contribue à la lessive, reprise, ravaute, etc. Travaux d'entretien, travail de la ménagère. Mais il y a aussi des productions à usage interne, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est une auto-entreprise. Donc, on fait les vêtements, dont je parlais tout à l'heure, mais il faut faire venir une partie du textile de l'extérieur, bien sûr. Mais on fabrique aussi des objets courants, comme les remèdes pour l'infirmerie, les instruments de mortification, les ustensiles en fer blanc ou en vannerie, qui sont utilisés pour un certain nombre de travaux. On fait aussi ses propres chandelles. Alors, pour en revenir à Louise de France, elle était révulsée, elle se mettait à vomir chaque fois qu'elle sentait le suif. Et alors, évidemment, on raconte qu'elle va s'efforcer de laver tous les chandeliers, de tous les candélabres du Carmel de Saint-Denis pour essayer de dominer sa répulsion à l'égard de l'odeur de la graisse de mouton. Alors, bon, je sais comment on nettoie les chandeliers au Carmel de Saint-Denis à la fin du XVIIIe siècle. Et alors, il y a bien sûr des travaux rémunérés, mal rémunérés, bien sûr, que doivent s'imposer toutes les sœurs, surtout lorsque... Alors, pour deux raisons. D'une part, je vous renvoie au début du chapitre de la règle du travail des mains. Il faut vous employer à quelque travail afin que le diable vous trouve toujours occupé et de peur que votre oisiveté ne lui ouvre une porte pour entrer dans vos âmes. Mais, comme je disais tout à l'heure, il s'agit aussi de faire bouillir la marmite, même si elle ne comporte pas de viande. Il faut quand même nourrir ces religieuses. J'ai oublié de dire, ce sont des communautés qui tournent, y compris à la veille de la Révolution, autour de 20 à 40 femmes. Donc, il faut entretenir et nourrir. Donc, il s'agit de faire entrer de l'argent et chaque Carmel, y compris aujourd'hui, essaye de trouver un créneau rentable. Alors, pour le Carmel dont il était question dans les lettres de Madame de Sévigné, le « boom » guillemets, des fleurs artificielles leur a permis de survivre à un moment où, après le temps des fondations et de la générosité des fondateurs, la plupart de ces institutions connaissent des périodes de vaches maigres qui peuvent, dans certains cas, les obliger à se disperser et à clore l'établissement. Alors aujourd'hui, le problème du marché des hosties est un problème dramatique, parce que la mondialisation, ne croyez pas que ça n'entre pas derrière les murs de la clôture. Alors les filles de Sainte-Croix à Poitiers, leur drame, c'est qu'il est question que des hosties soient fabriquées en Chine, à des prix qui, bien sûr, seront beaucoup plus bas que les hosties espagnoles, qui sont actuellement les grandes concurrentes des hosties poitevines. Alors, excusez-moi là aussi d'être concrète, moi je dois avouer qu'il y a un an, quand on m'a expliqué ça, je suis tombée sur le cul pour parler poliment. Et oui. Alors, sur le marché de Poitiers, le Carmel vend de délicieux biscuits, je voulais vous en apporter aujourd'hui, mais c'est comme le marché, le grand marché c'est le samedi, je ne suis pas au marché aujourd'hui, donc vous ne goûterez pas les biscuits du Carmel de Poitiers. C'est quand même c'est assez étrange de voir que cette obligation, alors c'est du travail bénévole, la concurrence est très très forte et les hosties poitevines, elles ont du mal à se placer. D'où la nécessité d'investissement, de nouvelles machines à acheter et de fabrication entre le temps des offices. Donc, le travail des deux religieuses que je connais bien, qui sont occupées à cet emploi-là, c'est terrible. Alors, on est en plus de ça dans une communauté où la moyenne d'âge est de 78 ans. Donc le travail de force est difficile. C'était à l'autre bout du couvent, donc on a rapproché la fabrique des hosties des cellules. Enfin, il y a des réaménagements qui sont perceptible aujourd'hui, mais qu'il faut imaginer avoir été le fait des Carmels anciens. Alors, je terminerai sur un dernier point qui aurait dû nous occuper plus longtemps, qui est celui de la transmission des savoirs, puisque elles font des tâches que la plupart d'entre elles n'ont pas appris avant que d'entrer dans les Carmels. Donc, il y a ici un type de transmission qui m'intéresse beaucoup parce que c'est le type de transmission qu'on retrouve finalement dans l'artisanat de l'époque, c'est-à-dire le savoir-faire et l'ouï-dire, puisque dans le cas du Carmel, il va falloir apprendre à broder ou à faire des boîtes sans parler, puisqu'on est dans le silence. Mais finalement, ce qui pour des citoyennes et citoyens d'aujourd'hui paraît assez étonnant, pour des historiennes et des historiens de l'époque moderne, c'est pas étonnant, puisque finalement, tous les gestes de l'artisanat se transmettaient comme ça, par l'ouï-dire et en regardant faire les autres. Et c'est comme ça que, finalement, moi j'ai appris à broder avec ma grand-mère et avec ma mère. Il n'y a jamais eu d'explication qui m'a été donnée. Très difficile du même coup. En tant que grand-mère, d'apprendre à broder à mes petites filles, parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir des textes, des livres, ou de parler quand j'ai à expliquer quelque chose. Alors là, je pense que c'est un point sur lequel j'aurais pu insister plus, mais qui est quand même assez intéressant, c'est le rapport mère-fille au sein de ces religions, comme on les appelait, et qui finalement nous renvoient à des modes de transmission qui sont ceux du monde, du monde extérieur. Alors, je devrais m'arrêter. Je dirais quand même que j'aurais voulu évoquer le choc de l'époque révolutionnaire pour toutes ces religieuses. Les couvents ont été fermés et que comment survivre, surtout quand on refuse de prêter serment pour obtenir une pension. Donc, comme toute une série de femmes aristocrates émigrées, laïques, mais aussi religieuses, le problème s'est posé celui de la survie économique. Et que finalement, le peu qui a été appris dans les couvents est fort utile à un certain nombre de ces religieuses. Alors, j'avais le cas de Thérèse Françoise Camille de Soyecourt, qui est une de mes héroïnes du moment, née en 1757 et morte en 1849. Cette grande dame-là, ses biographes nous racontent la pénibilité de toutes les tâches qu'elle a accepté d'accomplir, bien évidemment, et le désastre que représente pour elle le fait de devoir gagner sa vie. Alors, dans un premier temps, début hiver 92-93, elle arrive à se réfugier, c'est pas Agnières, mais c'est tout près, j'arrive plus à me souvenir du nom, dans une des fermes de ses parents. Et là, ses talents de gestionnaire se trouvent valorisés et elle se met à vendre du lait. Et là, on sent qu'elle est à l'aise et qu'elle sait faire. Mais après, elle est obligée de quitter cette ferme paternelle et survivre. Et là, elle se rend compte qu'elle ne sait pas cuire littéralement un œuf. Et donc, elle vole un œuf et elle ne sait pas quoi en faire. Alors, c'est écrit tel que. Alors, on est dans la littérature hagiographique, normative, bien sûr, mais ce genre de détail-là, je ne pense pas que la géographe aurait pu l'inventer. C'est-à-dire qu'elle est passée dans toute une série d'emplois. Elle a sûrement servi à la cuisine, mais elle n'a jamais cuisiné. Et face à un œuf, alors mon père, il était comme ça. Il ne savait pas cuire un œuf. Et ben, Madame de Soyecourt, c'est tout à fait la même chose. Et alors, elle écrit dans une lettre, « Aussi aima-t-elle dans la suite à exercer les mains de ses religieuses à l'occupation la plus vile comme à l'ouvrage le plus précieux. » Et oui. Et donc, les Carmels du 19e siècle et du 20e siècle vont être de véritables usines à faire des ouvrières polyvalentes et à apprendre toutes sortes de choses qui leur étaient totalement ignorées dans les siècles précédents. Et dans le cas de Madame de Soyecourt, tous ces talents que je viens d'énumérer trop rapidement vont être employés puisque c'est elle qui rétablit le Carmel à Paris, au sein du couvent des ex-carmes où son père a été massacré et un certain nombre de ses proches d'ailleurs, et c'est elle qui opère le déménagement des carmes au Carmel de la rue de Vaugirard, qui est aujourd'hui un des grands carmels français, en 1845. Donc le ora et labora, prier et travailler, leitmotiv en religion, c'est-à-dire en clôture, a une dimension genrée et sociale tout à fait particulière, a une historicité aussi qui mérite attention et qui aurait mérité que j'ai travaillé plus que je n'ai pu le faire pour vous. Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.